J'm'en bats les yeux, que de la rage sur nous. Ils connaissent rien, nous, mais veulent parler pour nous. J'm'en bats les yeux, que de la rage sur nous. Ils connaissent rien, nous, mais veulent parler pour nous. Y'avait de la misère dans nos cornflakes, c'est vrai. Coincé entre Big Rap et obsèques, j'étais. J'm'en bats les yeux, que de la rage sur nous. Ils connaissent rien, nous, mais veulent parler pour nous. Pour nous, pour nous. Bitch, les vois faire les fous dans leur peuclier. Tous la même racine comme branche d'un peuplier. Bitch, le seum est transmissible, masqué c'est mieux hier. Camouflé mais transmissible, sida sur le chier. Check mes flows d'hier, pour moi c'est les flows d'hier. Les flows de l'an prochain, pour moi c'est des flows d'hier. Toute première, j'suis bien plus costaud qu'hier. Pilon du rock, ma en guise de somnifère. J'suis parti de rien comme un jet, sur le terrain le jeu à la test. Corbillard qui débarque dans la tête, j'ai les synthèses d'images dans ma tête. J'suis parti de rien comme un jet, sur le terrain le jeu à la test. Corbillard qui débarque dans la tête, j'ai les synthèses d'images dans ma tête. J'm'en bats les yeux, de la rate solo. Ils connaissent rien, nous, mais veulent parler pour nous. J'm'en bats les yeux, coup de la rate solo. Ils connaissent rien, nous, mais veulent parler pour nous. Y'avait de la misère dans nos cornflakes, c'est vrai. Coincé entre Big Rap et obsèques, j'étais. J'm'en bats les yeux, coup de la rate solo. Ils connaissent rien, nous, mais veulent parler pour nous. Pour nous. Tout droit sorti du capital de Dila. Trouver le taf ici, c'est moins facile. Que de se faire arranger sur 3-4 kilos. No limit, hustle comme Percy Miller. Si j'expose vraiment, hop, c'est de la faute des mineurs. J'porte un ce que maintenant se fera, combien se déguise. La rue c'est dur, ça nique des mères, ça te prend pour stifle. Le crâne se mélangera pas dans le robot mixeur. Le frein sous blister. J'suis parti de rien comme un jet, sur le terrain le jeu dans la tête. Corbillard qui débarque dans la tête. J'ai des synthèses d'images dans ma tête. J'suis parti de rien comme un jet, sur le terrain le jeu dans la tête. Corbillard qui débarque dans la tête. J'ai des synthèses d'images dans ma tête. J'm'en bats les yeux, coup de la rate solo. Ils connaissent rien, nous, mais veulent parler pour nous. J'm'en bats les yeux, coup de la rate solo. Ils connaissent rien, nous, mais veulent parler pour nous. Y'avait de la misère dans nos corps.